بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد As-salat qui sera profitable pour l'abd yawm al-qiyamah. Et cette salat, ça sera une raha pour lui fi dunya qabla al-akhirah. Cette salat, Ibn al-Qayyim قال, هي التي تجمع ستة مشاهد. C'est cette salat qui va remplir ces six points. Ça nous montre en accomplir cette salat sans faire d'effort fi l'ilm et appliquer ces paroles de nos imams. ربما الصلاة ستكون روتين ستكون اوتوماتيك فلهذا الانسان دائما يرمي ان كيستيون اسكو tu as médité qu'est-ce que tu as récité من القران او من الاذكار quel دعاء tu as fait فربما نحن ضعف الايمان احيانا في الدعاء وما ندري في الدعاء لان c'est devenu on fait peut-être le même دعاء souvent et ça devient automatique ربما بدون خشوع بدون et هذا c'est un خطأ كبير لأن لزاني الدفل والموت لقريب plus on avance plus le موت لقريب on se rapproche de la mort on doit se remettre en question فلهذا méditer sur le Coran الكريم et faire des efforts في الحفظ وفي التفسير وفي قراءة كلام أهل العلم ça t'aidera قبل ذلك faire des efforts dans la langue arabe لأن هذه الصلاة على بد من قراءة القرآن en langue arabe ou l'Azkar en langue arabe celui qui a le Qudra bien sûr tout ça c'est en langue arabe enfin, celui qui ne comprend pas فَرُبَّمَ السِّنِينَ s'il ne fait pas d'effort dans la langue arabe il ne fait pas d'effort فِي الْعِلْمِ et des années il va réciter وَهُمَا يَدْرِي qu'est-ce qu'il récite et les traductions comme تَعْلَمُونَ c'est pas نَافِعْ comme la langue arabe la traduction ça ne te donnera jamais le خُشُوع et la concentration إِلَى آخِرِ le recueillement que tu auras avec la langue arabe فَهَذَا c'est مُهِم كَذَلِكَ apprendre الأذكار الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الخشوع c'est de changer أما si on ne fait pas attention et on donne un exemple مثلا دائما في السجود tu fais le même ذكر الواجب الحمد لله obligé de le faire toujours سبحان ربي الأعلى le minimum c'est une fois على الصحيح et si on fait plus c'est طيب ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء أو فأكثروا الدعاء أي في السجود Si on fait toujours le même dua, Robbama, ça devient automatique. Robbama, tu sais même plus ce que tu as récité. Si tu te poses la question après salat, quel dua j'ai fait ce jour, c'est devenu automatique. Surat al-Fatiha, si on ne fait pas des efforts, fi ilm, ou fi ta'allum ma'aniha, et on revient à kalam ahl al-ilm pour comprendre cette surah al-azim, Robbama, ça devient automatique. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Ça devient automatique. Enfin, ces six points qu'il a cités, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, ils sont très très importants. On les résume avant de les détailler, inshallah, avec l'explication de Ibn al-Qayyim, rahmatullah. Al-Mashhad al-Awwal qal al-Ikhlas. Le premier point qui est essentiel, al-Haqiqa fi salat wa fi ghayriha, al-Ikhlas, la sincérité. Pourquoi tu fais cette salat? Est-ce que tu l'as fait lillah ou tu l'as fait parce que les gens y font? Parce que celui qui ne l'a fait pas, Rabbama, il va être critiqué. Inda fulan et fulan. Ça, c'est une niya si'a. Cette salat, c'est une ibada. Et on l'a fait lillah et wahda. Le deuxième point, as-sidq ou an-nush. Et être sadiq, être véridique. Qala, as-thalith, al-mutaba'a wa l'iqtida. Cette salat, on ne l'a fait pas comme on veut, nahnu. Ou on suit les gens. Dans tel pays, ils font de telle façon, enfin, on fait. Ou mon père, il faisait de telle façon, enfin, je fais comme mon père, ou mon grand-père. Ayyadam billah. Sallu kamara aytumuni usalli. On fait comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait, et comme il nous a démontré, fi sunnatihi alayhi salatu wassalam. Al mashhad al-rabi' al-ihsan wal-muraqabah. Et ça, c'est un point très très important. An takoun muhsinan fi salatik. Wal-ihsan. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est pour ça que Ibn Qayyim رحمة الله عليه il a cité l'ihsan ou المراقبة. المراقبة أي اليقين et tu es convaincu إيمان جازم أن الله سبحانه وتعالى il te voit, أن الله سبحانه وتعالى il t'entend, أن الله سبحانه وتعالى il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait pourquoi tu es parti au masjid, il sait pourquoi tu récites, il sait pourquoi tu te prosternes. فتي مراقب أي الله سبحانه وتعالى il sait tout et il te voit et il t'entend. فهذا المشهد, ce point لا شك أن celui qui fait des efforts في هذا il va progresser في الخشوع في التدبر. الخامس المنة, c'est une منة من الله, c'est une نعمة عليك cette صلاة. السادس مشهد التقصير, كذلك هذا il est important. Celui qui se remet en question دائما et il se voile pas la face, il sait qu'il est muqassir, et on est tous muqassir, que ce soit fil ilm, que ce soit fil amal, que ce soit fil mutaba'a, dans beaucoup de choses on est muqassir. Lakin celui qui sait qu'il est muqassir, il fait des efforts et il s'écarte du kibr et il se satisfait pas du peu. Ba'dhum lima la, ils se précipitent dans leur salat et ils font le minimum, lian il sait que délaisser la salat c'est très grave, ils font le minimum, j'ai fait mes 5 salats. Lakin ha'oula ils avanceront pas. Bel rubama, s'ils ne font pas attention, ils ne sont pas sérieux, rubama, un jour ils retardent une salat. Thumma la semaine suivante, une deuxième. Thumma yadam bila ba'duhum rubama, un jour il n'a pas fait salat. Thumma yatoub, il se reprend. Wa hakadha, il est fi sira' ma'a nafsihi wa ma'a iblis wa yad'uf, hatta un jour ça devient trop difficile. Comme les gens, ils ont délaissé ce salat complètement. Limadha li'anna, ces 6 points, ils sont ignorés. لأن الناس au lieu de profiter de مثل هذا الكلام هذا الإمام الرباني ابن القيم رحمة الله عليه au lieu de profiter من هذا الكلام ils sont fiqil وقال et les cœurs ils durcissent. ثم مثل هذه المواقف que ce soit الصلاة que ce soit الصيام que ce soit الهجرة que ce soit العلم que ce soit الثبات أي par rapport à أهل البدع والكفرة والمجرمين وأهل الباطل tu trouves des gros manquements. لماذا؟ لأن الإنسان il est pas prêt. Celui qui veut être prêt, que ce soit son salat, que ce soit le hijra, tu dois faire des efforts avant. Le dunya, il se prépare au bama sini pour une compétition. Sini. C'est son objectif. Si on prend l'exemple d'un kafir, c'est son objectif. Il a un objectif, une compétition. Wallahi wa'aduhum sini. Et un sérieux ajib. Dans la nourriture, dans l'emploi du temps, dans l'entraînement, dans kada. Pourquoi? Parce qu'il veut être prêt pour la compétition. C'est quelque chose de dunya. Obama il va gagner quelque chose de futile. Même s'il lui donne des millions, c'est rien. Lakin, c'est son objectif. Anta ayyuhal mu'min, c'est la même chose. As-salat, il lui faut une préparation. Et yadhkuruna anna ba'd as-salaf sinin. Et des riwayat sahiha, sinin. 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas manqué takbiratu al-ihram fil masjid. Bel ba'dhum. Anahum, ils n'ont pas manqué al-adhan fil masjid. Avant l'adhan, il est déjà au masjid. Des années, il n'a jamais manqué l'adhan. Il répond à l'adhan fil masjid. Ça montre les efforts. Fahadal mashhad al-an, mashhad al-taqsir. Si nous, on se voile par la face et on se remet en question, et notre situation par rapport à ha'oula, est-ce que j'ai manqué tel salat? Est-ce que j'ai manqué tel raka? Et ça ne veut pas dire que si on a des faiblesses, khala, c'est fini là. Ibn Qayyim va nous démontrer, on fait des efforts. Aujourd'hui, مثلاً, j'ai manqué une salat au masjid, ça arrive. L'insan, ربما يضعف, ربما il était occupé, ربما il a eu des faiblesses, المهم, فإنشاءالله, le lendemain, je ne refais plus cette erreur. وهكذا, on se corrige. C'est 6 points. الحقيقة, celui qui les apprend et qui les met en application, ça va lui être utile, dites.